6h20, les gens d'ici. François Cachou, peintre né donc à Chambéry en 1866, peintre savoyard de grand talent que l'on surnommait le Corot de la nuit. Il a peint la nuit, les clairs de lune comme personne. Sa renommée était est toujours d'ailleurs internationale. On va retrouver ce matin en compagnie de Christine Martinez, Christophe Motet. C'est le directeur de la galerie Motet à Chambéry, auteur du livre Les nuits de François Cachou. On va voir ce matin la phase de réalisation des œuvres du peintre. L'heure du grillon, c'est le nom du tableau réalisé en 1902, a été le premier tableau de nuit que François Cachou a exposé au Salon de la Société des artistes français. Et ce clair de lune est l'aboutissement d'un cheminement qui marquera en ce début du XXe siècle un tournant fondamental dans la carrière de l'artiste chambérien. Un cheminement qui pourrait être le vôtre, une éducation d'abord, puis un enseignement scolaire et ou artistique, en fait les deux pour Cachou, et enfin la vie professionnelle. Et Cachou va tout d'abord explorer différentes directions, comme l'explique Christophe Motet, auteur de ce livre « Les nuits de François Cachou ». Dans un premier temps, il est allé peindre ce qu'il avait autour de lui, sa campagne savoyarde, le lac du Bourget, le lac d'Aiguebelette, la Chambotte, le château de Châtillon. Et puis progressivement, ses perceptions vont s'affiner jusqu'à glisser tout doucement vers des couchers de soleil. Et puis il va trouver avec la nuit une écriture qui va être capable de transmettre au public ce qu'il ressentait au plus profond de lui-même, capable de transmettre au public les messages qu'il souhaitait leur transmettre. Un moment important, donc il va travailler à l'atelier en secret sur ses nuits, sur la réalisation de ses nuits, jusqu'à arriver à ce moment très important pour sa carrière qui est 1902, où il présentera au Salon des artistes français l'heure du grillon, qui est le premier tableau de nuit qu'il exposera et qu'il présentera au public. Sa première nuit, je l'ai sous les yeux, vous pouvez nous la décrire, Christophe ? On voit une lune qui est dans un ciel extrêmement magnifique, qui se reflète sur le lac d'Aiguebelette, avec un pêcheur qui tire sa barque sous des saules. Alors ce tableau est extrêmement important dans la mesure où il va être acheté par le peintre américain Alexander Harrison pour le musée de Philadelphie. Donc là, c'est la première fois qu'un étranger acquiert une œuvre de François Cachou ? Non seulement c'est la première fois que Cachou expose des nuits au Salon des artistes français. Ouais, c'est sa première nuit. Nuit. Et en plus, cette première nuit va être achetée par un peintre américain pour un musée américain. Donc ça va le conforter dans cette voie-là, dans cette écriture. Et à partir de 1902-1903, il réalisera exclusivement des nuits. Alors la critique parisienne le surnommera à juste titre « le Corot de la nuit ». Et puis, de nombreuses galeries également de Paris, comme la galerie Georges Petit, va s'intéresser à son travail, va l'exposer, et notamment une exposition extrêmement importante en 1908, où il exposera de nombreuses nuits au sein de cette galerie. Et l'État français lui achètera, lors de cette exposition-là, un tableau nommé Sérénité, qui est actuellement présent au Palais de l'Élysée. Grâce à l'heure du grillon, c'est sûr, la nuit, c'est lui. Exactement. Et quand on observe son tableau, l'heure du grillon, impossible de vraiment savoir si on est en début de nuit, en plein milieu ou à la fin de la nuit. À vous, en tout cas, de faire votre voyage. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un clair de lune réalisé à la craie et au fusain sur papier de 18 cm par 27 cm et que ce pêcheur, tirant sa barque au milieu des saules, éclairé par le rayon de lune, marquera définitivement un tournant dans l'œuvre de Cachou. De cette nuit naît la lumière et de l'heure du grillon naît un artiste, celui de la nuit. Et demain, vendredi, dernier volet consacré à François Cachou, nous irons au cœur de la nuit avec le peintre. Demain, sortez vos frontales. France Bleu. 6h24. Si vous nous rejoignez à cette heure-ci, c'est l'événement tout à l'heure, dans quoi, à peine une demi-heure, on va vous offrir des invitations, des places pour un huitième de finale du championnat du monde de handball. Vous savez qu'il y a des matchs qui ont lieu chez nous, en Pays de Savoie, à l'Olympique d'Albertville. Eh bien, on va vous offrir des invitations pour le huitième de finale qui aura lieu ce samedi 21 janvier à partir de 16h. Donc restez à l'écoute. Des places à gagner dans à peu près 30 minutes sur France Bleu. J'explorais mon quartier. Je traînais. toute la famille.